Oula. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous serrer la main? Pas de problème. Oh, enchanté. Est-ce que... Monsieur, est-ce que je peux vous faire la bise? Monsieur. Monsieur, en tout cas, je suis content. Hein? Quand je l'ai vu l'autre fois à la télé... Tant, bébé. Quand je vous ai vu l'autre fois à la télé, en tout cas, c'était très bien le journal de la femme. Vous le 8 mars? Oui, c'était le vous 8 mars. Vous m'avez suivi à la télévision? Oui, je vous ai suivi. Vous avez bien parlé, messieurs. Pour vraiment, les femmes, hein? J'aimais, vous savez, messieurs. En tout cas... Madame, au revoir, mon père. C'est le 8 mars à la télé. Vous les regardez à la télé, c'est fini. Le jour que je vous rencontre encore, tu dois me donner une gifle. Les bijoux, si tu fais seulement l'enlever les joues. Si tu veux l'enlever les joues, prends les couteaux, tu coupes ça. Pourquoi alors tu lui avais embrassé? Faut même quand il les voit, hein, passe. Si tu les vois à la télé, fais bravo. Mais quand tu les vois comme ça, je vais même pas te voir à trois doigts ici. Ne t'approche plus jamais de mon père. Si tu oses, si tu vas là en prison. Tu me connais pas bien. Hein? Mais si c'est votre fils. Moi, silence! Je suis l'ami du fils du président de la République. Et chérie, encore. Bon, madame. Je vais finir vos vies. Madame, non, merci. Merci, papa, monsieur. Pour une prochaine fois. Non, papa. Papa, comme je suis là, je suis ton héritier, non? Je dois d'abord te protéger pour que tu. Même que je défienne d'abord à 20 ans ou bien 23 ans. Comme je suis là, je dois te protéger contre des femmes comme celle-là. Alors s'il avait le sida, elle doit avoir vraiment le sida, plus. Encore elle est grosse. D'accord. Papa, tu le regardes même pour qu'on parle d'ailleurs. On part. Ça t'arrivera quand tu seras grand, hein? Non, je vais, tu vas jamais. Que je reste d'accord, je sais, d'accord. Allez, ça suffit. Où tu mets?